Eh bien, merci Mike. On te retrouve même endroit, même heure, mercredi prochain. Bonne soirée à toi. Ciao. Musique Live avec Yo, tous les deuxièmes et quatrièmes mercredis de chaque mois. Eh bien, bonsoir à toutes et bonsoir à toutes. Bienvenue sur Musique Live. Encore ce mercredi, il est 20h03 et je prends la relève. Et cette fois-ci, pour vous amener un concert. Alors, un concert, et pas d'un tout petit, moi je vous le dis, puisqu'on va assister à un concert de Rod Stewart ensemble. Alors, d'abord, on le présente. Sir Roderick David Stewart, dit Rod Stewart, est né le 10 janvier 1914. 35 à Londres, est un chanteur et compositeur britannique reconnaissable à sa voix rauque si particulière. Rod Stewart figure parmi les artistes ayant vendu le plus de disques de tous les temps, avec plus de 120 millions d'exemplaires écoulés à travers le monde. Sa carrière musicale a débuté en 1962 lorsqu'il jouait de l'harmonica. Dans la rue, son registre est un subtil mélange de pop, rock, folk, mais aussi traditionnel réarrangé et même jazz dans des reprises de standards ces dernières années. Rod Stewart est né à la maison pendant la Seconde Guerre mondiale. Ses résultats scolaires à l'école primaire de Highgate furent médiocres et il échoua à l'examen d'entrée en 6e. Bravo! Lorsque son père prit sa retraite du bâtiment, il acheta un kiosque à journaux sur Archway Road et la famille s'installa au-dessus du magasin. Le principal passe-temps de Rod Stewart était le modélisme ferroviaire, devenu une vraie passion tout au long de sa vie. La famille était passionnée de football. Rod, lui, était sans doute le plus doué de la famille, alliant un athlétisme naturel à une agressivité presque téméraire. Il devint le capitaine de l'équipe de football de son école et joua pour les Middlesex Schoolboys au poste de défenseur central. Il découvrit le rock'n'roll en écoutant le tube de Little Richard de 1956, The Girl Can Help It, et en assistant à un concert de Bill Haley et les Comets. Le premier disque qu'il acheta, ce fut Come On Everybody d'Eddie Cochran en 1960. En 60 aussi, il rejoint le groupe de Skiff avec des amis d'école, les Cool Skates. Il quitte l'école à 15 ans, mais Rod veut devenir footballeur professionnel. Alors il fait des essais et après un essai infructueux à Brentford, il se dit que finalement la musique est la meilleure manière de réussir. Il dit d'ailleurs à l'époque, la vie de musicien est bien plus simple, je peux aussi me saouler et faire de la musique, ce qui est impossible dans le football. J'ai donc choisi la musique. Ce sont les deux seules choses que je sais faire, jouer au football et chanter. Rod fit différents jobs et fut attiré par les idées beatniks. Il vécut un temps sur une péniche communautaire à Shoreham-by-Sea. Il militait activement pour le désarmement nucléaire à cette époque, participant aux marches contestataires de 1961 à 1963 et étant arrêté à 3 reprises pour sa participation à des sittings à Trafalgar Square. En 1962, il commence à fréquenter le chanteur folk Wiz Jones, jouant dans la rue à Leicester Square et dans d'autres endroits londoniens. Au cours de plusieurs voyages, pendant les 18 mois suivants, Jones et Stewart présentèrent leur spectacle à Brighton, puis à Paris, où ils dormaient d'ailleurs sous les ponts de la Seine, et enfin à Barcelone, d'où ils furent expulsés d'Espagne pour vagabondage. Ça rigolait pas sous Franco en 63. Toujours en 63, Stewart adopta le style de vie et l'apparence des mods et commença à se coiffer avec la coiffure en forme de coque qui allait devenir sa marque de fabrique. De retour à Londres, Stewart intègre en octobre 63 le groupe de Rhythm and Blues The Dimension comme harmoniciste et chanteur occasionnel, mais en professionnel cette fois. Il intègre ensuite le band de Long John Baldry. Étant repéré, le groupe bénéficia d'une résidence hebdomadaire au mythique Marquee Club de Londres. Tout en restant avec Baldry, Stewart entama simultanément une carrière solo. Il réalisa quelques maquettes et fut signé par Decca Records. En août 64, avec Baldry, leur première apparition très remarquée eut lieu en première partie des Rolling Stones en juillet 65. L'image de Rod Stewart gagna en visibilité en novembre 65 lorsqu'il fut le sujet d'un documentaire à la télévision. Il participe aussi au groupe Stream Packet qu'il quitte en mars 66 pour rejoindre Shotgun Express, un groupe assez similaire, en tant que co-chanteur et avec dans le band Mick Fleetwood et Peter Green qui formeront plus tard les Fleetwood Mac. Le guitariste Jeff Beck recrute alors Rod pour son nouveau projet après les U-Birds et en février 67, Stewart rejoint le Jeff Beck Group en tant que chanteur et compositeur occasionnel. Ce fut le tournant décisif du début de sa carrière. Il y joua pour la première fois avec Ronnie Wood, devenu depuis son grand ami. Le Jeff Beck a créé un album, part en tournée en Europe, puis aux USA, et le deuxième album se classe à la 15e place du top 100. Peu de temps après, comme Ronnie Wood, il quitte aussi le Jeff Beck Band après 2 ans et demi de collaboration pour une carrière solo, mais en gardant un précieux souvenir de cette expérience-là. Il intègre aussi les Small Faces avec Ron, tout en enregistrant son premier album solo. Très prolifique, il enregistre un deuxième album, part en tournée aux USA avec les Faces et trouve quelques dates en solo. En 71, un 45 tours sort, mais c'est la phase B du 45 tours qui retient l'attention des radios et qui commence à la diffuser fort. Cela devient son premier tube, Maggie May. C'est la consécration, l'album et le single ont occupé simultanément la première place des charts au Royaume-Uni, aux États-Unis, au Canada et en Australie, et ce, pendant plusieurs semaines. Il tourne simultanément donc avec le groupe, et en solo, la suite ne sera que des succès par dizaines, jusqu'à rentrer au Rock Hall of Fame aux USA en 1988, et même être anobli par la reine en 2016. Mais chut, je me tais, il arrive sur scène, on y va, bon concert. know this one. This one dates back to 1976. Music Live sur Fadjet. Retrouvez Lionel, dit Yo, avec son émission Music Live. We'll be right back. child. Drum with the words I love you rolling off of my tongue. Never will I roam, 'cause I know my place is home, where the ocean meets the sky. We'll be jusqu'à 21h, c'est Music Live sur Fadjet. Retrouvez Lionel, dit Yo, avec son émission Music Live. More than don't right well ever know. And I think to myself, it's a wonderful world. It's a wonderful world. And I think to myself, it's a wonderful. Music very, live very nice. Sur Fadjet. Okay, here's this one. I can tell by your eyes that you've probably been crying forever. And the stars in the sky don't mean nothing to you. They're a mirror. Stay here just a little bit longer. If I stay here, won't you listen to my heart? My heart. If I stand all alone, will the shadows hide the colors of my heart? Blue for the tears, black for the nights. Fears the stars in the sky don't mean nothing to you. know now what's making me sad. Yearning for my old backyard. I realized maybe I was wrong to leave. Swallow up my silly country pride. Going home, rolling home, down to Gasoline Alley where I was born. Going home, rolling home, down to Gasoline Alley where I was born. Your hair breathes. Musique live de 20h à 21h sur Fadjet. Allez, c'est la fin du concert de Rod Stewart. On va se retrouver dans 15 jours pour nommer l'émission de Musique Live. D'ici là, portez-vous bien. Je vous souhaite une belle fin de soirée. Ah, il revient. Alors, je le laisse. Bonne soirée à tous. À bientôt. Ciao. Jusqu'à 21h, c'est Musique Live sur Fadjet. Splashing high clouds, stormy waters to the